Manyanga. Albert Ndouaï sur la mise en onde. Merci de rester branché sur nos antennes. Bienvenue à Sous-Journal, dont voici d'abord le sommaire. Le ministre de l'Intérieur, Martin Iteretse, dit qu'il prévoit se pencher sur la question CNL avant d'autoriser la reprise des activités de ce parti, dont ses activités avaient été suspendues depuis le mois de mai de l'année en cours. C'est après que ce dimanche, le président de ce parti, Agathon Gwasa, ait dit que cette mesure est expirée ce dimanche même. Au moment où le Burundi se prépare à célébrer la journée du contribuable ce mardi 5 décembre, certains habitants de la province Lomongue trouvent que les contribuables font actuellement face à plusieurs défis, parmi lesquels le manque d'informations en temps réel sur les amendements de certaines lois régissant la fiscalité au Burundi, c'est ce qui les expose aux sanctions, vous l'entendrez à ce journal. Certains enfants vivant dans l'orphelinat Rimamwana, province Bubanza, délaissés par leurs parents dès le bas âge ou à la naissance, déplorent ce comportement de délaissement. Et à défaut de vivre dans la rue, ils remercient ceux qui les ont pris en charge. Et la chronique sport de ce lundi, axée sur la formation des entraîneurs d'athlétisme. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page politique. Le ministère de l'Intérieur indique mettre toujours en avant le respect de l'ordre public avant d'autoriser la reprise des activités du parti CNL. Le président de ce parti, ayant considéré ce dimanche que la mesure suspendant les activités de son parti est expirée pour une période de 6 mois comme prévu par la loi. Le ministre Martin Iteretse dit quant à lui et que le ministère prévoit se pencher sur la question pour une mesure irrelative. Suivez le ministre Martin Iteretse dans cette traduction française avec Alain Désiré Boukienez. Je ne leur avais jamais accordé une période de 6 mois. Je leur tout simplement avais demandé de s'organiser et c'était pour le bien de la sécurité publique. Si cela pourrait intervenir en dehors de 2 jours, la question aurait déjà été vidée. Nous n'avons pas suspendu le parti. Nous avons interrompu les activités consistant à rassembler les partisans. Tout ce qui est orienté vers la résolution de leurs différends n'a jamais été interdit. Quant au délai avancé par le président du parti, le mieux serait de faire la lecture non seulement des dispositions relatives au délai de la mesure, mais aussi d'autres articles qui leur seraient en relation. Surtout que ce qui nous intéresse est spécialement la sécurité publique. Je n'ai pas encore vu l'intégralité du communiqué. Si le communiqué nous parvient, nous appellerons les journalistes pour leur indiquer notre position. Concernant les informations faisant état d'une réunion tenue à Gitega par une autre partie en conflit, je n'ai pas été informé. Seulement, je l'ai connu via des rumeurs, mais que la police est intervenue en vue de stopper les querelles qui avaient surgi déjà au cours de cette réunion. C'est ce qui prouve que les membres de ce parti doivent se pencher sur leurs différends. L'actualité continue sur Isanganiro, l'usage du système informatisé dans la passation des marchés, l'égalité de traitement de candidats et lutte contre la corruption sont quelques points qui sont à l'agenda du 15e forum des marchés publics des États membres de la communauté est-africaine qui s'est tenu ce lundi à Bujumbura. Jean-Claude Ndouimana, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics au Burundi, précise que ce forum est une occasion d'échanger des connaissances et d'expériences en rapport avec les marchés publics en vue d'harmoniser les bonnes pratiques dans la région. Les détails avec Jean-Marie Mayonka. Ce forum qui a vu la participation des membres venus des pays membres de la communauté est-africaine, ajoutant d'autres invités venus du Sénégal pour aider à montrer comment ils ont travaillé pour la bonne régulation des marchés. Sahel Niangé, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics au Sénégal, a expliqué qu'au Sénégal, ils ont commencé à lutter contre la corruption dans ce domaine de passation des marchés, renforcement de la transparence et précise que toute activité menée dans ce domaine est passée dans la transparence. D'abord, il faut avoir des gens qui ont une compétence technique avérée, qui comprennent bien les procédures de passation de marché, comment on élabore un dossier d'appel d'offres, comment on ouvre les plis, comment on procède à l'évaluation. Bref, la partie technique, il faut maîtriser cela. Nous avons donc d'abord, dans un premier temps, considéré qu'il fallait avoir un centre de formation et procéder à une formation extensive de tous les acteurs de la commande publique. Le deuxième pilier sur lequel nous avons reposé notre stratégie, c'était l'indépendance, que l'institution puisse, sur le plan décisionnel, prendre ses décisions sans pour autant que ce soit des décisions dictées par une autre autorité derrière, qui ont accepté que l'institution doit être indépendante, ne pas être rattachée hiérarchiquement par une administration. Renforce la transparence et le dispositif donc, de passation de marché devient plus fluide. Alors, tout cela est un service et un coût. Et celui qui paye le coût, en vérité, c'est l'entreprise qui gagne les marchés. Jean-Claude Ndouima, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics au Burundi, a signalé qu'au Burundi, ce domaine connaît certains défis comme l'insuffisance de ressources humaines, manque d'un centre de formation reconnu en commande publique et le peu d'engagement de certains acteurs. Il a signalé également que la lenteur et de la complexité des formalités, sans oublier la corruption et la fraude, ont un impact négatif sur les finances de l'État. Selon lui, ce forum fournira aux agences de régulation des marchés publics de la région un cadre d'échange de compétences et d'informations qui permettra un avancement dans la gestion des marchés publics. Il existe beaucoup de lacunes au niveau du système de passation des marchés publics au Burundi. Le plus grand défi que nous avons, c'est la lenteur des procédures dans le traitement des dossiers, mais également à certains niveaux des autorités contractantes où il y a le conflit d'intérêts, même, je peux dire que le trafic d'influence, même la corruption peut exister dans le système des marchés publics. C'est pour cette raison que nous voulons nous inspirer d'autres modèles qui ont réussi pour pouvoir améliorer notre système de possession des marchés. Ce 15e forum des marchés publics de la communauté est-africaine va durer 3 jours à Bujumbura et a vu la participation des pays, à savoir le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et le Sud-Soudan. Jean-Marie Mayonga, certains habitants de la province Rumonge trouvent que les contribuables font actuellement face à plusieurs défis, parmi lesquels le manque d'informations en temps réel sur les amendements de certaines lois régissant la fiscalité au Burundi, ce qui les expose aux sanctions. Ceux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro demande la multiplication des sessions de sensibilisation sur les bienfaits du paiement des taxes et réalisation issue de la fiscalité. C'est au moment où le Burundi célèbre ce 5 décembre la journée mondiale, la journée nationale du contribuable, 8e édition. On les écoute dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Misanko. Je dirais qu'actuellement, le contribuable a plus de facilité comparativement au temps d'avènement de l'OBR. Pendant ce temps, les gens ne comprenaient même pas le fonctionnement de cet organe. Les défis qu'on relève souvent sont des amendements de certains textes régissant l'OBR et qui ne sont pas communiqués en temps réel aux concernés qui sont les contribuables. À cela intervient alors des sanctions telles que des amendes, ce qui limite le rythme de paiement des taxes. Franchement, ici à Rumonge, le contribuable fait face à beaucoup de défis. Premièrement, il n'a pas d'informations suffisantes sur l'importance du paiement des taxes. Deuxièmement, c'est la disproportion entre les taxes dues et le bénéfice réalisé. Le contribuable présente plusieurs difficultés. Il se dit qu'il faut payer les taxes pour le développement du pays. Au contraire, il trouve que rien n'a été réalisé. C'est pourquoi il décide de se rendre dans d'autres endroits où il pourrait gagner en contrepartie des taxes. Vraiment, certains travaillent à perte à cause de la différence entre la monnaie locale et celle de la Tanzanie. Ils s'approvisionnent en chilin, qui a un taux élevé par rapport au franc-bou. Et l'auberge mène des calculs sur base des prix locaux, ce qui occasionne des pertes énormes. Il y a même ceux qui préfèrent abandonner leur commerce ou fuir vers d'autres pays. Que les institutions habilitées passent plus de sensibilisation et explications et montrent clairement les réalisations en contrepartie de ces taxes payées par la population. Ça permettra aussi à ces gens qui se rendent ailleurs, craignant ces taxes énormes, de se ressaisir pour le développement du pays. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page société à présent. Plus de 80 ménages des victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika ont quitté les maisons qui leur ont été construites dans le site Mutambara 3, zone Gatete de la commune et province Lomongue. Suite à la forte pluviométrie observée ces derniers jours, il demande d'être relocalisé vers un endroit bien aménagé. Abdoul Njani Bagira, chef de cabinet du gouverneur de Lomongue, tranquillise ses sinistrés, disant que cet espace est déjà disponible dans cette même localité de l'État avec Omer Ndouaye. Le site Mutambara 3, des sinistrés de la montée des eaux du lac Tanganyika, se trouve à plus de 5 km si on emprunte la route menant vers Nyanza Lac, partant de Lomongue. C'est à droite, à environ 800 mètres, partant de la route asphaltée. Ce n'est même pas loin du lac Tanganyika, dans un endroit glissant. Ce site est composé de maisonnettes ayant des chutings sur les côtés, mais le toit est en tôle. Lorsque la pluie tombe, la partie qui se trouve en bas vers le lac Tanganyika est envahie par les eaux. Explication de Christophe Ndaisenga, le représentant des habitants de ce site. Lorsqu'il pleut, cette partie est inondée et la population s'inquiète. Cette eau a source à la forte pluviométrie. Elle reste stagnante ici suite à l'absence des caniveaux. 84 ménages ont déjà fui la place à cause de la forte pluviométrie, indique ce représentant. 84 ménages ont déjà quitté leur maison et ont demandé abri chez les voisins. Ces maisons ne sont pas en dur. C'est pourquoi la forte pluie nous menace. Nous demandons l'assistance du gouvernement. Au niveau de l'administration provinciale, il y tranquillise. La question a déjà été élucidée. Abdoul Nirani Bagira, chef du cabinet du gouverneur, indique qu'une place a été déjà disponibilisée à cet endroit même. Le gouvernement, en l'occurrence, l'État de Tangozi, avec les différents partenaires qui nous appuient, ont fait tous les moyens possibles pour assister à cette population-là en situation de détresse. Finalement, on a opté pour avoir un endroit pour cette population sinistrée. On a identifié le site de Mutambara 3, zone Gatete, commune Lomongue. Le site de Mutambara 3 compte 185 ménages composés de 1168 personnes provenant de Magara, Minago, Kizuka, Aiteba, Kanyengoko, Mayamba et autres endroits. Merci à Omer Ndouaye pour tous ces détails de Lomongue, Cap sur Bobanza, où certains enfants vivant dans l'orphelinat Remamngana en cette province, délaissés par leurs parents dès le bas âge et à la naissance, déplorent ce comportement de délaissement. Toutefois, ils sont très reconnaissants d'être accueillis par ce centre pour vivre comme d'autres enfants à défaut de vivre dans la rue. Tarsil Ndaishimiye, responsable de l'orphelinat Centre Remamngana, interpelle à tout parent d'être sensible face aux enfants vivant dans de mauvaises conditions pour leur meilleur avenir. Les détails, c'est dans ce reportage d'Ornella Mucho. Oui, Ces enfants rentrent de l'école et s'apprêtent à prendre le déjeuner à l'orphelinat les Mamwana de Bubanza où ils ont été accueillis. Malgré leur histoire, ces enfants semblent être épanouis. Toutefois, ils révèlent que la frustration ne manque pas car ils arrivent à penser pourquoi leurs propres parents les ont abandonnés, certains dès le bas âge et d'autres juste après la naissance. Écoutez Christ Ange, victime de ce délaissement, il a 13 ans et il est en 7e année. Je ne me rappelle pas comment je suis arrivée ici car j'étais petit. On m'avait raconté qu'on m'a trouvé abandonné en province de Bujumbura. Ici, on est bien traité. À tous ces parents qui délaissent leurs enfants, je prie le bon Dieu pour qu'il leur donne un cœur d'aimer leurs enfants. Nyunguru Fabrice, âgé de 15 ans, c'est un autre enfant accueilli dans cette orphelinat. Son souhait est que d'autres enfants dont leurs droits sont bafoués puissent être soutenus moralement et financièrement. Je ne peux pas même me souvenir de mes frères car on s'est séparés quand j'étais trop petit. Depuis que je suis ici, mes peines se sont transformés en joie. Que ces enfants qui vivent dans des conditions précaires puissent être soutenus. Les bienfaiteurs seront récompensés d'une façon ou d'une autre. Daïchimie Tersi, le responsable de cet orphelinat, interpelle à tous parents de contribuer pour le bien-être de tout enfant dont leurs parents sont jugés inaptes. Il faut que les gens puissent compatir avec les enfants menant une mauvaise vie. Par exemple, prendre en charge un enfant ou plus selon ses moyens, parce que les orphelinats ne peuvent pas contribuer seuls. Le bien est qu'il aura sauvé et contribué pour le bien-être et l'avenir de cet enfant qui a des parents irresponsables. Il précise que parmi 30 enfants vivant dans cet orphelinat, 13 ont été abandonnés depuis qu'ils étaient des nouveau-nés. Radio Isanganiro, chronique sport. Les entraîneurs d'athlétisme commencent leur métier d'entraîner les athlètes après avoir bénéficié des formations qui sont dispensées par les experts de la Fédération internationale d'athlétisme. Adolphe Rukenganya, enseignant des entraîneurs d'athlétisme, fait savoir que le contenu de cette formation et le système d'évaluation sont les mêmes au niveau mondial. Les détails dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Guédakouman. La Fédération internationale d'athlétisme a mis en place un cursus de formation des entraîneurs appelé en anglais Coaches and Certification System dans le but de devenir un entraîneur reconnu mondialement. Adolphe Rukenganya, enseignant des entraîneurs d'athlétisme, explique que ces formations dispensées par les experts de la Fédération internationale d'athlétisme permettent aux lauréats de recevoir des certificats. Il faut la formation, il faut qu'ils passent par le canal de la formation de la Fédération. Il y a évidemment des self-made men, des coachs qui n'ont pas suivi de formation, disons, académique. Le chemin royal maintenant pour devenir un entraîneur reconnu internationalement, c'est quand même de suivre ce cheminement de formation qui est le cursus de formation des entraîneurs par World Athletics, la Fédération internationale. C'est un programme qu'ils ont appelé Coaches Education and Certification System. Donc, c'est un système de formation de coach et de certification. Il ajoute que ces formations se font en différents niveaux, tout en précisant que le contenu de la formation doit être scellé avant d'arriver à la fédération locale qui a sollicité cette formation. Ce système de Coaches Education and Certification System, c'est un cursus qui va se faire sur un certain de niveau 1, niveau 2, 3, etc. 4. Il y a un programme qui est fixé par World Athletics, c'est eux qui donnent le contenu, qui arrive sous scellé auprès de la fédération qui a demandé la formation. Les experts sont désignés par la World Athletics, la fédération internationale, et ils viennent assurer cette formation dont le contenu est absolument le même au niveau mondial. L'évaluation de ces entraîneurs doit également respecter les normes internationales, selon toujours Adolphe Rukenganya. L'évaluation finale arrive sous scellé également de cette fédération internationale. Vous faites passer l'examen, vous corrigez parce que le corrigé est là, et en fonction du niveau, du nombre de points exigés. Cet ancien ministre burundais à charge des sports indique en outre que les entraîneurs qui réussissent dans cet examen doivent recevoir un numéro numéro d'identification reconnu au niveau international. Les entraîneurs peuvent être reçus ou refusés. Tous ceux qui sont acceptés reçoivent un numéro d'identification au niveau mondial. Et en fonction du nombre de points, évidemment, ils peuvent être admis au niveau 2 et au niveau suivant. Donc, à partir du moment où vous entrez dans le système, vous devez pouvoir commencer à vous exercer. Et l'expérience faisant, la formation faisant, les entraîneurs qui obtiennent de bons résultats. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le diplôme. Quand même, la notoriété d'un entraîneur, c'est d'avoir des résultats au niveau national et au niveau international. Dans la prochaine chronique sportive, Adolphe Lukenganya expliquera les sanctions infligées aux entraîneurs d'athlétisme coupables de la violation des lois régissant le sport d'athlétisme. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikouanyanga. L'actualité et d'autres émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro.